Today is the last day of the 3 weeks retreat in 2007. At the end of the retreat, yogis, they want to know how much they have reached. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre retraite de 3 semaines. De la retraite de 3 semaines 2007. À la fin d'une retraite, les yogis aimeraient savoir dans quelle mesure ils ont progressé. Ils aimeraient que le professeur leur explique dans quelle mesure ils ont progressé. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas dans la position pour dire aux yogis quel stade ils ont atteint. Mais nous pouvons cependant leur expliquer comment ils en arrivent à expérimenter au cours de leur pratique. Bien souvent, au cours de mes enseignements, je vous ai expliqué que si vous êtes très attentif, vous pourrez expérimenter, vous pourrez comprendre, vous remarquerez certaines choses. Ce soir, je vais vous parler des attributs du Dhamma. Hier, nous avons parlé des attributs du Bouddha. Nous devons en effet apprendre à connaître le Bouddha, qui est notre professeur. Je vous ai donc parlé des attributs du Bouddha et je ne l'ai pas fait de façon très détaillée, mais suffisante. Ce soir, je vais vous parler des attributs du Dhamma en ne donnant pas trop de détails. Je vous parlerai également de la façon dont le yogi en arrive à expérimenter, à développer la compréhension. Récitons ensemble les attributs du Dhamma. Swagato Bhagavata Dhammo Sandejiko Agaliko Ehibasiko Obaneiko Pachadam Vididavo Venyuhi. Please, one more time. Swagato Bhagavata Dhammo Sandejiko Agaliko Ehibasiko Obaneiko Pajadam Vididavo Venyuhi. Sadhu, sadhu, sadhu. Le Dhamma a donc 6 attributs. Il est bien exposé. Il est à réaliser clairement par le pratiquant. Il est aux fruits immédiats. Il invite à venir et voir par soi-même. Il mène progressivement à Nibbana. Il est à expérimenter par le sage directement par lui-même. En écoutant attentivement le Dhamma, votre esprit sera en paix. Vous pourrez vous débarrasser de certaines impuretés. Votre esprit va devenir pur et clair. Tout cela par le simple fait d'écouter attentivement le Dhamma du Bouddha. Au moment précis où vous écoutez attentivement, votre esprit est absorbé dans l'enseignement. Votre cœur se calme et vous obtenez ses bénéfices même si vous n'avez pas encore pratiqué. Donc écouter l'enseignement du Bouddha, ce n'est pas la même chose qu'écouter de la musique par exemple. Dans la société humaine, il y a toutes sortes de musiques et les gens se plaisent à les écouter. Mais le moine ou la personne vertueuse, c'est-à-dire la personne qui s'est engagée à respecter 8, 9 ou 10 préceptes moraux devra s'abstenir de distractions comme écouter la musique, chanter, se divertir. Mais si cette personne ne prend que 5 préceptes, elle est autorisée à écouter la musique. Si vous écoutez de la musique, il est fort probable que votre esprit va devenir agité. Si c'est une musique agréable, vous allez vous mettre à l'aimer, et c'est le désir qui va pénétrer en vous. Si c'est une musique agressive, c'est la colère qui va pénétrer en vous. Si c'est une musique triste, c'est la tristesse qui va pénétrer dans votre esprit. Par contre, si vous écoutez un enseignement sur le Dhamma, et si vous êtes très attentif au moment où vous l'écoutez, vous réussirez à comprendre quelque chose. Vous comprendrez en quoi consiste votre vie. Vous apprendrez quelque chose. Votre esprit sera absorbé dans l'enseignement, et ainsi il va devenir paisible. Lorsqu'on écoute de façon respectueusement l'enseignement du Bouddha, l'esprit se calme. Lorsqu'on écoute respectueusement l'enseignement du Dhamma, l'esprit va progressivement se débarrasser de toutes les souffrances qui y brûlent. Lorsqu'on pratique le Dhamma, que ce soit Sila, la moralité, Samadhi, la concentration ou Vipassana, ce sont les différents niveaux de pratique, l'esprit se purifie. Ici, les yogis pratiquent les quatre établissements de l'attention. Ils sont attentifs au corps, aux sensations, à la conscience et au Dhamma. Ils essayent d'être attentifs sans interruption, et ceci a pour conséquence que leur esprit se calme. Lorsque votre pratique sera devenue mûre, que votre compréhension aura également mûri, vous serez en mesure d'atteindre l'illumination, grâce à votre pratique. Le Bouddha le garantit dans le Satipatthana Sutta. Si vous pratiquez les quatre établissements de l'attention, et si vous avez les paramis, il est possible pour vous d'atteindre l'illumination en une semaine. Si pas en une semaine, en deux semaines. Si pas en deux semaines, en trois semaines. Si pas en trois semaines, en un mois. Si pas en un mois, en deux mois. Tout au plus, en sept ans. Vous pouvez atteindre l'état d'anagami. Il faut pour cela que votre pratique soit diligente. Selon le niveau d'illumination que vous aurez atteint, vous pourrez vivre heureux. Vivre heureux, cela veut dire ne pas trop s'intéresser aux choses matérielles. Vous menez une vie très simple. Vous n'avez pas de stress. Vous ne connaissez plus la dépression. Tout simplement parce que vous avez expérimenté le Dhamma par votre pratique. Nous pouvons vérifier tout cela par nous-mêmes, dans notre propre pratique. Nous n'avons pas encore atteint l'illumination. Depuis trois semaines, nous nous efforçons de l'atteindre. Nous avons essayé pendant tout ce temps d'emmener notre attention partout avec nous. Et nous avons réussi à développer dans une certaine mesure l'attention. Nous pouvons le vérifier par nous-mêmes. Notre esprit vagabonde-t-il encore beaucoup? Se complète-t-il encore dans les plaisirs sensuels? Avons-nous de la tension, de l'inquiétude en nous? Non, toutes ces choses ne se manifestent plus beaucoup. Et s'il y a de la tension, cette tension ne concerne pas le monde des plaisirs sensuels. Elle concerne l'attention, la pratique. Parfois, il est possible que nous soyons découragés, inquiets, mais ce découragement, cette inquiétude, de nouveau, ne concerne pas le monde des plaisirs sensuels. Il concerne la pratique. Nous sommes découragés parce que nous avons l'impression de ne pas progresser. Ce type de découragement ou d'inquiétude n'est pas négatif puisqu'il est en rapport avec le Dhamma. Je sais que votre esprit ne reste pas toujours fixé sur l'objet. Il s'envole souvent, soit à la maison, soit dans vos affaires. Vous vous posez toutes sortes de questions, comment ma famille se débrouille-t-elle en mon absence, et vous avez toutes sortes d'inquiétudes. Tout ceci ne concerne pas la pratique. Mais on rappelle au yogi d'être attentif, d'essayer de maintenir son attention pendant toute la journée, et il va progressivement réussir à développer son attention par la posture assise, la marche et dans les activités quotidiennes. Et il va acquérir tout doucement une certaine qualité d'attention. Les yogis ont expliqué à l'entretien qu'ils étaient capables de méditer, d'être attentifs dans les activités quotidiennes. Cela veut tout simplement dire qu'ils ont tout doucement réussi à emmener leur attention partout avec eux pendant toute la journée. Au moment où ils sont ainsi attentifs, leur esprit est en paix. Il n'est pas dans le monde des plaisirs sensuels. Même s'il n'a pas encore atteint l'illumination, l'esprit de ce yogi est paisible. Il peut alors se demander quelle ne sera pas la paix de son esprit lorsqu'il aura atteint l'illumination. Donc, lorsque vous écoutez l'enseignement du Bouddha, le Dhamma, vous êtes en paix. Lorsque vous emmenez votre attention partout avec vous de façon respectueuse, vous êtes en paix. Et lorsque vous aurez mené votre attention à son plein épanouissement, vous serez également en paix et vous pourrez vivre de façon harmonieuse. Le Dhamma est également dit « bon au début, bon au milieu et bon à la fin ». Lorsqu'on dit que le Dhamma est bon au début, cela concerne Sila, la moralité. Lorsqu'on dit qu'il est bon au milieu, cela concerne Samadhi, la concentration. Et lorsqu'on dit qu'il est bon à la fin, cela concerne Panya, la sagesse. Lorsqu'on pratique, il faut prendre les préceptes moraux. Car sans Sila, il ne sera pas possible d'avoir Samadhi. Sans Samadhi, il ne sera pas possible d'avoir Panya, la sagesse. Ces choses sont reliées entre elles. Le Dhamma est ensuite dit « Sandhetiko », ce qui veut dire « à réaliser par soi-même, clairement, à fond ». Lorsqu'on pratique les quatre établissements de l'attention en suivant les instructions du Bouddha, il est possible de réaliser par soi-même, à fond. On réalisera par soi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va réaliser à notre place. Personne ne peut réaliser à notre place. Si nous pratiquons nous-mêmes, nous pourrons réaliser clairement le Dhamma, nous pourrons le réaliser à fond. San est une particule qui a deux significations. Elle peut vouloir dire par soi-même et elle peut vouloir dire clairement, à fond, correctement. Lorsqu'on pratique Vipassana, vous avez pratiqué Vipassana pendant 3 semaines. Lorsque donc on pratique Vipassana, on va réussir à comprendre selon le degré d'attention que l'on aura réussi à développer. Au début, on essaie de maintenir son esprit fixé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais on n'arrive pas à suivre ces mouvements de façon précise parce qu'il y a beaucoup de pensées, et ces pensées font apparaître les 5 empêchements. Il y aura du désir, de la colère, de la somnolence, de l'agitation, du doute. Tant que les empêchements seront dans l'esprit, l'esprit ne sera ni clair ni pur. Il faut donc commencer par essayer d'éliminer les 5 empêchements. Si les empêchements sont dans l'esprit, l'esprit n'est pas clair. Un esprit qui n'est pas clair est incapable de réaliser anicca, dukkha et anatta. Il est incapable de comprendre l'impermanence, la souffrance et l'insubstantialité, et il n'est pas capable d'accepter ces choses. Il faut donc commencer par éliminer les empêchements par l'attention. On élimine les empêchements en étant attentif, en notant attentivement, sans interruption. Dès que l'empêchement se manifeste dans l'esprit, il faut le noter. De cette façon, l'esprit va petit à petit devenir clair, pur et frais. Vous devez donc construire votre attention. Vous devez l'emmener avec vous, et pour cela, il faudra que vous fassiez preuve d'énergie. Vous essayez de tout noter, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, et tous les contacts sensoriels comme voir, entendre, sentir, goûter, toucher et penser. Votre attention va progressivement devenir puissante et vous obtiendrez bientôt la continuité de l'attention. Il faut essayer d'obtenir cette qualité d'attention, la continuité. mais il y a beaucoup de pensées. Ce n'est pas facile de réussir à comprendre clairement. Dès que vous aurez constaté que votre attention s'est développée, vous verrez qu'au moment où vous notez le soulèvement, ce processus vous apparaît très clairement. Lorsque vous noterez abaissement, le processus va également vous apparaître très clairement. Pourquoi avez-vous réussi à voir clairement ces mouvements? Parce que vous avez noté très soigneusement. Lorsque donc vous êtes très attentif, vous réussissez à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen avec précision. Et vous expliquez ce que vous avez expérimenté au moment où vous notiez ces mouvements. Vous expliquez ce que vous avez expérimenté, ce qui veut dire que vous avez fourni un effort pour noter attentivement. Vous commencez à être capable d'expérimenter toutes sortes de choses. Et chaque yogi va l'exprimer à sa façon. Les expériences varient d'une personne à l'autre. Pour certains yogis, ils expliqueront qu'au moment où ils notaient les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ils ont ressenti un gonflement ou un dégonflement. Pour d'autres, un mouvement vers le haut, un mouvement vers le bas. Il y a même un yogi, je ne me souviens plus qui c'était, mais un yogi qui a expliqué que le mouvement de soulèvement se produisait vers l'avant, que le mouvement d'abaissement se produisait vers l'arrière. Tout cela est correct. Il n'y a pas de formule, ce ne sont pas des recettes. Chacun expérimente à sa façon. Parfois, le méditant explique qu'il ressent son abdomen comme un ballon qui serait gonflé d'air. Tout cela est correct et juste. C'est la compréhension. Vous êtes dorénavant en mesure de comprendre, d'expérimenter. Vous savez que votre abdomen se gonfle, vous l'expérimentez. Ce mouvement de gonflement, vous savez que c'est rupa la matière. L'esprit qui note ce mouvement, c'est nama. Le yogi est en mesure de comprendre nama et rupa. Il comprend clairement. Mais cette compréhension n'est pas encore très mûre. C'est pourquoi il faut continuer à noter le plus possible. Il ne faut pas se contenter de noter une ou deux fois. Mais même si votre compréhension n'est pas encore très mûre, vous avez déjà expérimenté dans une certaine mesure. J'ai pris comme exemple les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais ceci s'applique tout autant à la méditation en marche. Lorsque votre pied s'avance et que vous expérimentez ce mouvement, c'est rupa la matière, et l'esprit qui note ce mouvement, c'est nama. Lorsque vous observez que vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous vous exprimez en disant que votre abdomen se soulève, vous sentez le mouvement vers le haut. Pourquoi ressentez-vous ce mouvement vers le haut? Pourquoi y a-t-il un mouvement vers le haut? C'est à cause de l'élément air. S'il n'y avait pas l'élément air, l'abdomen ne se soulèverait pas. L'élément air, c'est rupa la matière. Mais pour le yogi, il n'est pas nécessaire de verbaliser cela. Il lui suffit d'expérimenter. Il explique, par exemple, qu'il a senti un mouvement vers le haut, qu'il a senti un mouvement vers le bas, qu'il a senti un dégonflement, une détente. Tout cela suffit. S'il explique les choses de cette façon, le yogi a réalisé nama et rupa. Vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et les autres objets lorsqu'ils se manifestent. Vous le faites de façon continue. Votre attention devient puissante. Et vous réalisez tout doucement une espèce de connaissance. Vous réalisez qu'il n'y a à l'intérieur de vous que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Il n'y a que nama et rupa. À l'intérieur de vous, il n'y a personne, ni dans le mouvement de soulèvement, ni dans le mouvement d'abaissement, ni dans l'élément air. Il n'y a que l'élément air, au moment où vous observez le mouvement. Vous allez peut-être réaliser par moments, qu'il y a de la chaleur ou du froid quelque part dans le corps, dans la tête par exemple, dans le dos, dans les fesses, dans les mains qui sont posées l'une sur l'autre. Vous réalisez l'élément feu. Ici, vous essayez de pratiquer sans interruption dans le but de comprendre. Vous ne prenez pas de nourriture le soir et donc le feu digestif va probablement se manifester. Pasaka Tejo. Vous expérimentez, vous comprenez l'élément feu une fois de plus. Vous comprenez qu'il n'y a là que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux, nama et rupa. À l'intérieur des éléments que vous observez, il n'y a personne. Mais il suffit d'expérimenter ces choses. Il n'est pas nécessaire de dire qu'il s'agit de l'élément air ou de l'élément feu. Vous observez sans interruption le mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et vous voyez clairement qu'il n'y a jamais que la matière et l'esprit qui notent. Il n'est pas nécessaire de verbaliser ces choses au moment de l'entretien, il suffit de les expérimenter. Il suffit de chaque fois expérimenter qu'il y a l'objet et l'esprit qui note l'objet. De cette façon, vous allez progressivement éliminer les vues fausses. Les êtres ordinaires ne réussissent pas à éliminer les vues fausses. Ils sont prisonniers des vues fausses. Ils croient qu'il y a là, à l'intérieur d'eux, une âme, un soi, qui contrôle, qui ordonne de faire ceci ou de faire cela. Mais vous, qui pratiquez, vous voyez qu'il n'y a à chaque instant à l'intérieur de vous que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Voir cela, expérimenter qu'il n'y a jamais que nama et rupa, c'est comprendre correctement. Si vous avez réellement expérimenté nama et rupa, si vous avez réussi à faire vraiment la distinction entre nama et rupa, vous éliminez les vues fausses. C'est pourquoi on encourage les yogis à noter attentivement. Ils doivent essayer d'emmener leur attention partout avec eux et ils doivent réussir à comprendre non seulement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais tous les contacts sensoriels qui se manifestent aussi portent des sens. Ils doivent également réussir à comprendre au moment où ils pratiquent la marche. Il n'est pas possible de savoir à quel moment la compréhension va surgir. Elle peut surgir à n'importe quel moment, pourvu qu'on soit attentif, pourvu qu'on ait la continuité de l'attention. Il faut donc générer l'attention à chaque instant. Mais il ne faut rien rechercher, il ne faut rien analyser. Tout cela va se manifester spontanément. La compréhension va spontanément se manifester lorsque l'attention sera devenue puissante. Il faut pratiquer ce que l'on appelle l'attention pure. Vous notez donc attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sans trop penser, et votre respiration va devenir douce et régulière. Au début, vous devez faire un gros effort pour maintenir votre attention sur ces mouvements. Vous êtes fatigué parce que vous fournissez un gros effort. Mais dès que vous serez devenu habitué à noter ces mouvements, vous pourrez observer plus facilement. C'est la même chose lorsque vous étudiez une deuxième langue, par exemple. Au début, vous devez beaucoup travailler. Vous devez fournir un gros effort. Et c'est la même chose dès que l'on souhaite acquérir quelque chose de précieux. Il faudra toujours fournir un effort. Après quelque temps, l'esprit va réussir à rester fixé sur l'objet et la méditation va devenir plus facile. Vous pouvez noter facilement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, et en même temps, vous êtes capable de voir la relation entre ces mouvements et la respiration. Quelqu'un qui ne médite pas ne voit pas la relation entre les mouvements de l'abdomen et la respiration. Mais le yogi, qui observe attentivement, voit clairement que les mouvements sont reliés à la respiration. C'est une espèce de compréhension qui va se manifester spontanément. Lorsque donc votre attention se sera développée, vous verrez spontanément que les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sont connectés aux inspirations et aux expirations. Voir cela, c'est la compréhension. On peut comprendre de diverses façons. Lorsqu'on note les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, on n'est pas encore en mesure au début de faire le lien entre ces mouvements et les inspirations et les expirations. Mais progressivement, on voit le lien entre ces choses. Par moment, il est possible également que les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen disparaissent. On ne les ressent plus. Où sont-ils passés ? S'il n'y a pas de mouvement de soulèvement ni d'abaissement, notez-vous ces mouvements ? Non, vous ne les notez pas, puisque dans Vipassana, on demande de ne noter que ce qui est présent. Si donc l'objet se manifeste, il faut le noter, mais si l'objet ne se manifeste pas, il ne faut pas le noter. Vous comprenez donc que si vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est parce que ces mouvements sont apparus en vous. Je vous ai parlé donc de la relation que vous êtes susceptible de voir entre les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et les inspirations et les expirations. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen peuvent également être ressentis comme étant un effet, les inspirations et les expirations comme étant la cause. Si les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen se produisent, c'est parce qu'il y a eu au préalable les inspirations et les expirations. De cette façon, vous comprenez que ces inspirations et ces expirations sont la cause et que l'effet, ce sont les mouvements de l'abdomen. Si les mouvements de l'abdomen se produisent, vous allez les noter. S'ils ne se produisent pas, vous ne les notez pas. On peut donc dire à ce moment-là que les mouvements de l'abdomen sont la cause et que l'esprit qui note est l'effet. Si donc vous êtes très attentif, vous verrez. Si vous n'êtes pas très attentif, vous ne verrez pas. C'est la raison pour laquelle, inlassablement, on demande au yogi de développer son attention. Parfois, le yogi se plaint. Il ne réussit pas à voir quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que son attention est faible. Êtes-vous capable de noter l'intention? C'est surtout pendant la marche que le yogi note l'intention. Mais s'il est très attentif, il pourra également percevoir l'intention en posture assise. Par exemple, lorsqu'il voudra bouger la main, il verra spontanément l'intention de le faire avant que la main ne bouge. Au début, le yogi n'est pas capable de percevoir l'intention. Il doit donc s'entraîner à le faire. Il apprend à noter l'intention. L'intention, c'est l'esprit. Le mouvement, c'est la matière. Le méditant qui est capable de voir l'intention avant le mouvement réalise les causes et les effets. Au moment où il désire se gratter, par exemple, même si au début, il n'est pas capable de percevoir l'intention de se gratter qui précède le mouvement, il doit s'entraîner. Il apprend à noter l'intention. Après quelque temps, il verra spontanément cette intention. Lorsque son attention sera devenue puissante, le yogi verra les intentions dans tous les mouvements qu'il sera amené à faire tout au long de la journée. Il sera devenu capable d'emmener son attention partout avec lui. Il sera heureux avec son attention et il pourra constater que son esprit ne retourne pas au plaisir sensuel. Le yogi est devenu capable de comprendre intuitivement, spontanément, les causes et les effets. Et il n'est pas nécessaire qu'il le verbalise, il l'expérimente directement. Avez-vous expérimenté ce dont Sayadaw parle? Donc, avez-vous expérimenté ces choses, demande Sayadaw. Sayadaw dit que beaucoup de méditants l'ont expérimenté pendant la posture assise. On vous demande, non pas de rester immobile sans bouger pendant toute l'heure, mais d'essayer de rester immobile sans bouger pendant toute l'heure. Le méditant va donc faire un effort pour y arriver. Mais, évidemment, les sensations douloureuses vont se manifester. Il en aura partout dans le corps. Des sensations très intenses. Certains méditants ne réussiront pas à rester immobiles, et ils vont changer sans attention. D'autres vont changer avec attention. Il y en a qui vont se mettre à pleurer. Il y en a qui vont se fâcher. Pourquoi? Parce que la douleur est très forte. Et le méditant expérimente spontanément les causes et les effets. Mais cette réalisation des causes et des effets est bien sûr encore immature. Vous changez donc sans attention. Et vous ne notez pas pleurer, pleurer, fâcher, fâcher. Vous ne comprenez donc pas vraiment les causes et les effets. Si on demande au yogi de noter l'intention avant de changer de posture et de noter ensuite le mouvement du corps, c'est pour qu'il puisse comprendre les causes et les effets. Lorsque votre attention sera devenue puissante, ininterrompue, vous comprendrez clairement ces choses. Si vous avez réellement compris les causes et les effets, vous serez capable d'accepter qu'il n'y a en vous qu'une suite de causes et d'effets. Vous comprendrez que vous n'êtes pas créé par quelqu'un. Il n'y a pas de créateur. Il n'y a en vous qu'une suite de causes et d'effets. Vous serez en mesure d'accepter cela si vous avez vraiment expérimenté les causes et les effets. Il n'y a donc pas d'âme à l'intérieur de nous, pas d'esprit. On se débarrasse de ces idées que l'on avait précédemment. Il n'y a personne, il n'y a que des causes et des effets. Et vous pouvez réaliser les causes et les effets dans beaucoup d'objets. Le Bouddha nous demande d'observer et de noter tout ce qui se manifeste aussi porte sensorielle. Chaque fois qu'un objet se présente, quel qu'il soit, vous pouvez réaliser les causes et les effets. Tout le monde regarde la télévision. S'il y a un film qui vous plaît, vous allez regarder très attentivement, tout simplement parce que cela vous intéresse. Vous écoutez attentivement les conversations, vous regardez attentivement tout ce qui s'y passe. Vous voyez très clairement parce que vous êtes intéressé. Ici, c'est la même chose. Dès que vous serez devenu intéressé, vous allez observer très attentivement. On dit que Vipassana, c'est une recherche, une investigation à propos de son propre corps et de son propre esprit. Dès que vous serez devenu capable d'expérimenter réellement les causes et les effets, vous aurez éliminé la confusion de votre esprit, vous aurez éliminé le doute. Et comment allons-nous éliminer la confusion ? Nous allons l'éliminer parce que nous aurons vu directement par nous-mêmes dans notre propre corps et notre propre esprit qu'il n'y a pas d'âme, qu'il n'y a personne qui nous crée. Il n'y a que des causes et des effets. Si vous poursuivez votre pratique des quatre établissements de l'attention de façon assidue, vous allez réaliser par vous-même encore d'autres choses. C'est encore toujours Sandhetika. Vous réaliserez par vous-même. Vous verrez, par exemple, le changement qui se produit à chaque instant. Vous observez le mouvement de soulèvement qui apparaît. Vous le notez, il disparaît. S'il n'est plus là, vous ne le notez plus. Le mouvement d'abaissement apparaît, vous le notez. Dès qu'il a disparu, vous ne notez plus. De cette façon, vous voyez qu'il y a à chaque instant du changement. Le changement se produit sans interruption. Parfois, certains méditants qui ont une attention très développée sont capables de voir le changement au moment où ils observent le soulèvement de l'abdomen ou l'abaissement de l'abdomen. Ils voient que ce mouvement se produit par segments. Au début, il est très difficile d'accepter l'enseignement du Bouddha. Il est très difficile d'accepter que tout est anicca impermanent, dukkha insatisfaisant et anatta insubstantiel. On accepte ces choses par pure dévotion, mais en réalité, on n'est pas capable de les accepter. On souhaiterait que tout soit permanent, agréable et substantiel. On souhaiterait pouvoir vivre ad vitam aeternam. On refuse anicca, dukkha et anatta. Mais lorsque l'attention du méditant se développe et qu'elle devient puissante, il verra spontanément anicca, dukkha, anatta. Il ne sera pas possible de l'ignorer. Donc voilà, on en restera là pour Sandhetika. Il faut donc savoir que plus votre attention se développe, plus vous comprenez. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently. May you continue your practice diligently. May you understand the Dhamma clearly. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.